Farid, fais vite. Tiens, vas-y, monte, monte. Ah, c'est bon, je suis là. Où tu étais, de long tu fais tirer. Je suis parti chez moi, je suis parti prendre un truc, c'est bon. Quoi comme truc? Un CD. Tiens, écoute. C'est qui? Discret, dernier discret, avec tu, mon pote. Ah, ça a l'air d'être du lourd, là. Ouais, ce morceau, il va péter les watts, mon pote. Moi, je te le dis, Borzo, ce morceau, c'est le tube de la zone. Ouais, écoute, ça a l'air chaud. Mais comme ça, tu... Vas-y, monte le son. Ça paye, hein. Ok, yeah, yeah. Mais un rap de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la somme. On dit que le mec de la story, on met les blocs. Friqué, oh, oh, de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la somme. On dit que le nez boy côté le son des blocs. C'est risqué, oh, oh. Viens faire un tour là où je crèche. Le son met la pression dans ta caisse, ta zone, grosse effraction. Fais péter les watts, constate que le son est lourd. Mec, impossible que tu échappes, elles sont lourdes. Pour les mecs des halls, la zone, ceux qui charbonnent dans chaque coin pour la grosse somme, elles sont. Qui colle les enceintes, fais péter les watts qu'on grave notre empreinte. Mec, bouge, si t'as le blues, couche tard dans le caisson, pousse le son des pétards pour tous les coins de France. On se met bien, même en chien, lève ton poing en l'air pour le tube de la zone. Pas besoin de te dire que le son claque, pas besoin de te dire que le beat reste bien. Je mets tout dans le trou, que tu vois mon impact. On taffe le flow, on taffe le style. Demande à faux style. C'est libre dans notre coin, à notre façon. Pas moyen que tu nous l'enlèves, ça c'est depuis tout petit garçon. C'est le son que tu m'envoies dans la foule s'agite. C'est le son qui défouraille dans une glace. Ça. Le son classe, le pour ceux qui ont la vibe. Pour ceux qui ont la rage, donc ne tourne pas la page. Le rap de la zone, disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la somme. On dit que le mec de la story, on met les blocs. Friqué, oh, oh, de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la somme. On dit que le nez boy côté le son des blocs. C'est risqué, oh, oh. Dans ton hall, ta caisse ou dans ta boîte. Le volume au max si tu veux que tout le monde squatte. Même pour les mecs under, on a le son adéquat. C'est dernier en date, tu forces à tes boîtes. Comme un scream, trop de dégâts, constate. Le beat des coups de patte, mais notre disque compact. C'est le hit des blocs, des barres pour mettre des grosses claques. Au sol électrochoc et tous les murs ton hall crack. Monte à fond ton MP3 ou ton laser. Roule à fond à un ranger, sixer. Lève ton poing pour tous les frères qu'on incarcère. Lève ton poing quand tu nous vois dans les concerts. C'est le hit des blocs, vas-y range ton clock et crie. Pour que tous tes blocs, un ouragan je provoque. Avec un brin de révolte, car ce son a trop de vol. Des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la zone. On dit que le mec de la story, on met les blocs. Friqué, oh, oh, de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la zone. On dit que le nez boy côté le son des blocs. C'est risqué, oh, oh, de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. Disque, oh, oh, on est la zone. On dit que le mec de la story, on met les blocs. Friqué, oh, oh, de la zone. Disque, le lit des quartiers nord pour les hommes. C'est la psychiatre, hein, discret. C'est venu des quartiers nord de Mars. Qui t'a dit que le rap de Mars est mort? C'est la psychiatre de la Réméa discret. Ok, photo, yeah. Mets le son à flanc dans ta putain de voiture, mec. Si, si, oh, shit.